des lettres qui nous disent, la première lettre nous dit qu'on doit passer devant un juge le matin après. Donc on avait une nuit pour nous préparer pour cette truc. Donc on a vite appelé un avocat qui nous ont dit bah, c'est très bizarre que vous devez déjà passer devant un juge maintenant. Elle nous dit qu'il faut juste dire le seul fait que tu es là, ça montre que tu as le droit de notre genre de procédure. Et après, on a reçu une deuxième lettre. Tu veux dire ça? Mais c'est juste, moi je trouve que c'était juste bizarre l'effet qu'on a vraiment compris que pour ce genre de situation, il n'y a pas de temps pour les juges, pour les gouvernements, pour réagir à ce genre de situation. Donc ça. Je sais pas, moi je me sentis comme si j'étais un extra stress pour la juge, même mon procédure, c'est moi je vois comme un des plus importants parce que. Je sais pas. Et on pensait aussi peut-être parce que c'est l'hiver, peut-être parce que c'est la Covid. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, peut-être ça peut nous donner un peu de temps. Peut-être la juge peut comprendre que peut-être on a squatté un espace parce qu'on est dans le besoin, parce qu'on a besoin d'un espace pour dormir. Et en fait, la moratoire sur les expulsions, qui est le deuxième moratoire sur les expulsions, a nous sauvé parce que sinon on était déjà dehors. On était quand même contente qu'il y ait un deuxième lockdown, un deuxième confinement. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission, notre troisième épisode à la cloche de bois. On vous dit au revoir et à la prochaine en janvier, et ça sera le deuxième mercredi du mois. Merci Serge. Pour la technique, Vendy qui est en route. Et tous ceux qui ont participé à l'émission, Caillou, Balthazar, merci. Paul. Et Thierry, voilà. Et on lance encore une dernière musique, La complainte du virus, chorale des canulars. À la prochaine. Nous sommes en guerre. L'épidémie de coronavirus aura un impact sévère sur l'économie française. Serait-ce une émeute mondiale qui fait trembler le capital, qui fait fermer les usines, qui fait arrêter les machines? Serait-ce un oncle que c'est le coronavirus? Serait-ce un oncle que c'est le coronavirus? Qui fait dépenser moins de pétrole, fermer les facs et les écoles, qui fait baisser la pollution? Est-ce enfin la révolution? Serait son nom mon oncle que c'est coronavirus? Serait son nom mon oncle que c'est coronavirus? Qui passe en douce toutes les frontières, se répand plus vite que nos idées, les empêche de faire des affaires. Est-ce une révolte mondialisée? Serait son nom mon oncle que c'est coronavirus? Serait son nom mon oncle que c'est coronavirus? Dès qu'il est entré dans la course, ça fait dégringoler la bourse. Il a pas de loi, pas de patrie, ne croyez pas que c'est l'anarchie. Serait son nom mon oncle que c'est le coronavirus? Serait son nom mon oncle que c'est le coronavirus? On va me dire oui d'accord, mais ça fait quand même des morts. Mais la faim, la guerre et le froid ont tu bien plus loin des médias. Plus, bien plus que le coronavirus. Plus, bien plus que le coronavirus. État d'urgence sanitaire décrété par le ministère. Je me signe une autorisation pour pouvoir chanter au balcon. Faut confiner, pas se rencontrer par mesure de sécurité. Pourtant ils disent qu'on doit bosser sur que là le virus va pas me toucher. Tous confinés, je dois bosser. Non, y'a le coronavirus. Sociale, mais livrer des fringues c'est vital. Je suis livreur chez Amazon. Dois-je laver tous les interphones? travaille sur un chantier, on dit de tout désinfecter. Faut-il que je mette du gel sur les parpaings et la truelle? Tous brouillés, je pense aux ongles, y'a le coronavirus. Toutes brouillées, je pense aux ongles, y'a le coronavirus. Mais confiné, c'est pas marrant, dans un petit appartement ou avec un mari violent et pas de place pour les enfants. SDF, j'ai pas de maison, alors je confine sous mes cartons. Je vais crever de faim, y'a plus personne.